Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase. C'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Flycase. C'était des Florent derrière. Bon, vieille histoire. En tout cas, c'était Florent en carte blanche, comme tous les samedis, entre 14h et 16h. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. Bien évidemment, il va aller se bronzer. Là. Il va faire la petite bronzette. Il va profiter du bon temps. Bon, restez avec nous. C'est le Flycase jusqu'à 18h. Avec un maximum de nouveautés. C'est ce qu'on aura l'occasion de proposer. Nouveau numéro 1 également tout à l'heure aux alentours des 18h. Flycase. Bon, trois sorties. La première sortie, Denise Cruz avec C-Line Woman. C'est le remix de What. En sortie également DJ Roland Clark avec Santé Sanson House Nation. Et enfin, troisième et dernière sortie pour cette semaine, les Men Widow de Clue avec Push Me Around. Numéro 20. Allez, on est parti tout de suite. Lanterne rouge cette semaine, 20e position. Ça perd 4 places. DJ SKT avec Dirty. Bon après-midi. I like it. Et les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec la 20e position. C'était DJ SKT Dirty, ça perd 4 places, c'est 2 places au moins à l'instant pour Season avec Say Your Mind. Bon après-midi, la suite du classement dans un tout petit instant. Première nouveauté de la semaine pour JL Afterman avec Black Betty, c'est la version en mix. Les 20 titres indispensables sur Galaxy numéro 18. Flygaze, nouveauté. Oh, baby,

Curtis sur Galaxy. Numéro 16. Fly Gaze. Nouveauté. Et encore plus que week-end, la musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Ce soir sur Galaxy. Et ce soir sur Galaxy, à partir de 20h, vous retrouvez Jérôme B. À partir de 21h, Fonkido. 22h, Digitom. 23h, Marty. À partir de minuit, DJ Storm et DJ Gus. À partir de 1h jusqu'à 2h du mat. Pour clôturer cette soirée, tout de suite, petite pause en ce classement du Flycase avec une proposition d'entrée pour la semaine prochaine. Il s'appelle Camilo Franco et le titre Disco. We'll be right back. Ici, un rétro n'est jamais de trop. Un rétro n'est jamais de trop. It breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story, obviously. There'll never be. Irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? It breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Can't you see? Intelligent,

titre indispensable. Yeah, yeah. Numéro 13. A body in denial, lifting itself out of time. What do I need to break? The spell or just differentiate? And failings in my mind, we're closer than we're kind. Thank you. life we love. Gazelle et 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec la position numéro 11 à l'instant, c'était David Kello. C'était la troisième entrée pour cette semaine avec Moonchain. Il entre enfin dans ce classement. Numéro 12 juste auparavant, titre Robot. Et numéro 13, Mark Knight avec Voulez-vous. Ça gagne 5 places. Et puis attention, petite info exceptionnelle, on vous souhaite beaucoup de courage si vous êtes actuellement sur la route. Il y a notre ami Florent qui vient de nous appeler. Il est du côté de Bondu actuellement. Tout est bloqué au niveau de Domios, Décathlon à Bondu, dans le sens où est-ce qu'elle l'homme, il y a des trombes d'eau. Ça y est, la météo fait des caprices une nouvelle fois, avec pas mal d'inondations là-bas, donc c'est la Bérésina. Donc on vous souhaite beaucoup de courage, évidemment. Bon, ici on est au Waterloo, il se passe rien là pour le moment, on vient de quitter le soleil il y a 10 minutes, donc on comprend pas trop. Bon, en tout cas, beaucoup de courage, restez avec nous, c'est le Flycase, et puis tout de suite voici le récapitulatif. Hein. Flycase numéro 20. Voici le récapitulatif de la position numéro 20, la position numéro 11, 20e, 4 places au moins pour DJ SKT avec Dirty. Numéro 19. Numéro 19, 2 places au moins pour le groupe Season avec Say Your Mind. Numéro 18. Numéro 18, c'était la première entrée pour cette semaine, JL et Afterman avec le titre Black Betty, la reprise de Rem Jam, c'est la nouvelle version. Numéro 17. 3 places au moins cette semaine pour la position numéro 17, Monkey Savary, avec le titre On, c'est le remix de Paco Uzuna. Numéro 16. La seconde entrée pour cette semaine, c'était une proposition d'entrée la semaine dernière. Le groupe s'appelle Amtrak et le titre Hold On, c'est le VIP mix. VIP. Numéro 15. Numéro 15, 4 places au moins cette semaine pour Gilman and Wad avec le titre Dirty Groove. Numéro 14, Carrier District avec Techno Disco, le remix de Kinka. Pointé numéro 14, une place de moins. Numéro 13. 5 places au mieux, c'était d'entrée la semaine dernière. La reprise, voulez-vous, du groupe Abbas, ça s'appelle Mark Knight, numéro 13. Numéro 12, pas sûrement par rapport à la semaine dernière pour Sheet Robot et Roman Flegel qui fait un grand retour dans ce classement. Ça faisait un petit moment d'ailleurs. End of the Trail, ça fait un petit moment qu'il nous avait rien sorti. Numéro 11. Et enfin numéro 11. On s'est écouté il y a quelques secondes à peine. C'était David Kello avec ce nouveau titre qui s'appelle Moonshine, numéro 11. Flycase numéro 10. Allez, on est parti les 10 meilleurs pour cette semaine avec un nouveau numéro 1 tout à l'heure aux alentours des 18h. Voici la position numéro 10, Kevin McKay, What You Want. What you want? girl, what I share with you. And I like that, baby, share a thing with you. What you want, and I'll try it again. That's just how much your sweet love means to me. Don't have much, girl, but I share with you. And I like that, baby, share a thing with you. What you want? bien sympa ce titre, hein. C'est la position numéro 9 cette semaine du classement du Flycase. C'était Damien Lazarus et Ancient M avec le titre Trouble de Science. C'est la remise de Kolsch numéro 9, pas de changement par rapport à la semaine dernière. Et Kevin McKay juste auparavant, numéro 10, deux places au moins pour What You Want. C'est le remix de Jean-Paul Guetto. Prudence si vous êtes sur la route, je vous rappelle, des perturbations au niveau du temps actuellement avec des inondations du côté de l'île. Donc restez nous fidèles, prenez votre mal en patience et puis on compte sur vous. La suite de la musique c'est dans un instant avec Denis Cruz, c'est le nouveau, ça s'appelle New Life numéro 8, ça gagne deux places. Galaxy 95.3. Les 20 titres qui te font bouger, c'est Flycase numéro 8. numéro 6. Forcément quelque chose pour les plus anciens d'entre vous, évidemment Billy Ocean avec Stay the Night, c'était fin des années 70 et puis des années 80. Avec ce titre, c'est une reprise actuellement pour Super Lover de Talking Machine numéro 6, pas de changement par rapport à la semaine dernière. Et Matt Joe, ex numéro 1 sous Flycase, ça perd 3 places cette semaine avec Nighthawk et Dennis Cruz juste auparavant avec le nouveau titre qui s'appelle New Life. Encore une reprise, Nina Simone dans les années 50 avec ce titre numéro 8. Ça gagne 2 places. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy. Et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. Ce soir sur Galaxy. Shake it, girl, shake. Et la tribu sera là ce soir sur Galaxy à partir de 20h avec Jérôme B. Party House. 21h Funky Do Girly House Clubbing. À partir de 22h, Digitom avec Sismix. 23h, Marty Check It House. À minuit, Digistorm avec Cyclone. Et 1h du mat jusqu'à 2h, Digigus. Bad Noise is a pleasure. Tout de suite, voici une proposition d'entrée dans ce classement du Flycase avec Scott Farshaw et Greg Stainer. Ça s'appelle Prism. On vous souhaite encore beaucoup de courage. On vient de nous appeler également. Si vous voyez quelque chose du côté de chez vous, n'hésitez pas. 03 20 83 57 57. Il y a des inondations actuellement du côté de Bondu. Et puis, c'est un petit peu le défouloir également du côté de la Madeleine, on vient nous appeler, et notamment du côté des mini-tunnels. Ouais, c'est la température, c'est la météo, en fait, hein, au niveau de. Qui crée pas mal de problèmes, des orages, notamment du côté de la Madeleine. Restez avec nous. We'll be right back. Jay Curtis sur Galaxy. Numéro 5. Looking for my friends. Ce titre, une petite découverte Galaxy. À l'instant, c'était Usul Selçuk avec Joss Maroland. Et le titre Out of My Head, numéro 4, ça perd une petite place. Et Churchill, juste auparavant, avec Leave a Trace, c'est le remix de Fortate. C'est une position stationnaire, pas de changement par rapport à la semaine dernière. Et dans quelques instants, les trois premiers, le podium de ce classement Flakeys avec un nouveau numéro 1 d'ici quelques minutes. Hein. Les 20 titres qui te font bouger. Flakeys. Numéro 3. Tensions reeling, know you want me. Incontournable tous les samedis entre 16h et 18h avec la position numéro 2, c'était Aleuya Gallo avec Kevin Adden, ça s'appelle Ouizi. Flycase numéro 10. Allez, on y va, voici le récapitulatif des 10 meilleurs pour cette semaine numéro 10. Deux places au moins pour Kevin Mackay avec What You Want, le remix de Jean-Paul Gâteau. Numéro 9, pas seulement par rapport à la semaine dernière pour Damien Lazarus, c'est Ancient M Trouble de Science, c'est le remix de Kolch. Numéro 8. Numéro 8, deux places de mieux, c'est le nouveau titre de Denise Cruz, ça c'est rentré depuis la semaine dernière, ça s'appelle New Life. Matt Joe, c'était un ex numéro 1 sous classement du Flycase. Night Hawk, numéro 7, ça perd 3 places. Numéro 6. Pas de changement par rapport à la semaine dernière pour les plus sur le numéro 6, Super Lover avec The Talking Machine. Numéro 5, pas sûrement par rapport à la semaine dernière non plus pour Churches avec Leave a Trace, le remix de Fortet. Numéro 4. Une petite place de moins pour le positionnement 4. Ça quitte le podium. Usul Selçuk avec Josh Moreland, Out of My Head. Numéro 3. Et enfin le podium numéro 3, 4 places au mieux, peut-être un futur numéro 1 pour les semaines prochaines. Enya avec Nonku Sokit, le remix de André Lodman. Numéro 2. Et enfin numéro 2, une place au moins, c'était le numéro 1 la semaine dernière pour Aloya et Gallo. Petite apparition numéro 1 avec Aloya et Gallo. Ça va être dur ce soir. Hein. Ouizi. Flycase. Numéro 1. Allez, nouveau numéro 1 dans ce classement du Flycase. Il s'appelle Patrice Baumel avec In This World. Ça gagne une place. Case. Nouveau numéro. numéro 1 dans ce classement du Flycase, c'était Patrice Baumel à l'instant avec Indies World. Flycase, c'est terminé pour cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. Dernier classement de la saison. Après, ce sera un petit best-of juste avant. Voilà, c'est, oui, les vacances s'approchent à grands pas. En tous les cas, c'est Maître Matou que vous allez retrouver dans un tout petit instant avec tous les bons plans. Bah oui, il est là. Alors, je sais pas, il nous a remis une caisse avec tous les vieux 45 tours. C'est pas pour ça. C'est pour ce soir. Ah, c'est pour après l'émission, d'accord. Parce qu'on a regardé Peter et Sloan, Dalida et tout. Il y avait vraiment. Les Charlot, Carlos, Big Bisou et Tutti Conti. On fera une émission spéciale évidemment sur Galaxy si on a l'autorisation. C'est pas gagné. Hein. Bon, en tous les cas, Matou, donc c'est jusque 20h. Passez d'excellents moments, excellente soirée. Et puis bon courage si vous êtes sur la route du côté de Lille et tout. C'est le bordel là. Galaxy.